J'ai rien à péter, tant que j'ai pas les 7 chiffres, je vais jamais me la péter. Mais j'ai dépassé le gros 6, y'a pas que les poches qu'on grossit. Trop d'idées dans le faussaire, tous les jours des soucis, tous les jours je vois des gangsters. J'ai grandi sans grand frère, j'ai vu les grands frères, les bandits en gros fer. Mais est-ce qu'ils ont coffré? Plus rien me choque quand j'ai vu le patron taffer. Au fond je suis gêné quand je dépense tout ce que t'as coffré. Y'en a jamais assez, comme un joueur du Milan. C'est à la fin du bal qu'on va regarder le bilan. J'ai pas fait les bons choix mais j'aurai jamais de regrets. Quand tu gérais des meufs, chercher clients dans la récré. On agit pas en retrait, comme tu m'as j'ai des principes. On a gardé nos valeurs, aucune veste n'est réversible. J'fais pas l'enyens, mais tu sais ce qu'on a vécu. Tout le monde a des défauts, mais j'suis trop fier d'être têtu. J'ai pris des hommes, mais tu sais ce que j'ai perdu. Ma vie n'est pas rose, vu que dans les mains j'ai la verdure. J'ai tout gardé pour moi, j'aime pas trop parler de mes problèmes. On n'est pas dans les bohèmes, dans nos têtes on est trop gay. J'arrive pas à faire semblant, j'pense à mes amis d'enfance. J'ai perdu Adrien et Adèle, ma vie n'a plus de sens. J'ai perdu ma conscience, mon cœur noyé à l'essence. Les meilleurs partent en premier, j'oublie pas votre existence. Y'a ceux qui diront que je suis mauvais. T'oublies sûrement quand tu me demandais que je te relevais. J'calcule pas les ingrats, j'calcule pas les faux frères. Silencieux comme une guitare, j'fais du bruit comme un secret. La famille c'est sacré, j'peux mourir pour mes trois sœurs. Agité comme un rocker et j'encaisse comme un docker. La famille c'est sacré, j'peux mourir pour mes trois sœurs. Agité comme un rocker et j'encaisse comme un docker. J'ai amené police à la maison, maman avait raison. J'suis accroché au réseau, parfumé à la résine. Mal vu par la voisine, celui qu'il faut pas fréquenter. On est devenu brigante, Maliko Alicat. J'garde mes sentiments pour madame, dans la rue c'est cruel. Sur le chemin de l'école, client dans une ruelle. Mouchoir dans une bouteille, brûlant et le cocktail. Caillassage tous les week-ends, j'compte rester dans un hôtel. Comment veux-tu qu'on t'y vague pas? Sur le terrain, j'rêve du salaire à plus, croyez pas. Mais eux ils y croient pas, j'aime trop les mapper ça. Cette année j'ai pris deux RS3, mais eux ils y croient pas. Dans les blocs et dans les haches, j'suis la fierté de la cité et personne m'a incité gros. J'ai mal au cœur quand je pense aux frères, quand je repense à ma vie. J'ai fait souffrir ma mère, pourtant c'est toute ma vie. Fais du mal à ma baby, je fais du mal à ma mère. Faire souffrir les gens qui m'aiment, c'est ma maladie. J'ai mal au cœur quand je pense aux frères, quand je repense à ma vie. J'ai fait souffrir ma mère, pourtant c'est toute ma vie. Fais du mal à ma baby, je fais du mal à ma mère. Faire souffrir les gens qui m'aiment, c'est ma maladie. Faut 2-3 bacs, il me faut 2-3 apparts, j'ai trop bossé. C'est logique que maintenant j'ai ma part sur le pavé. H24, on part de plus tard, mais c'est maintenant. J'ai du niqué facile 50 bars pour des vêtements. Je te parle sincèrement, bientôt faudra qu'on se visque. Je réfléchis pour une déto, qu'est-ce que tu me parles de Pepsi? Mon cœur est trop noir si j'ai trop subi les coups de grâce. La trahison d'un frère, ça fait mal comme un coup de chlage. J'avance sans faire de bruit, je suis la lumière dans un puits. Le bon côté du fruit, je suis la fierté du J. Fini l'époque des G, pour les cas on met le prix. On débite pas qu'en été, en hiver. J'ai jamais lumière dans la cité, compté dans la cité. L'encre dans la cité, pas besoin d'être émancipé. L'enfant a évité, j'ai toujours été impliqué. Pour le taf, toujours impliqué dans la commande, j'ai deux paquets. Loin des coups de Géraud, tout proche de la flicaille. Avec MZ à Marseille, ou avec Jeff à Dubaï. J'suis toujours dans les bons bails, j'passe dans les mailles du filet. J'le répète dans tous mes sons, ils sortaient quand je dealais. Dans les blocs et dans les haches, la fierté de la cité et personne m'a incité gros. J'ai mal au cœur quand je pense aux frères, quand je repense à ma vie. J'ai fait souffrir ma mère, pourtant c'est toute ma vie. J'fais du mal à ma baby, j'fais du mal à ma mère. Faire souffrir les gens qui m'aiment, c'est ma maladie. J'ai mal au cœur quand je pense aux frères, quand je repense à ma vie. J'ai fait souffrir ma mère, pourtant c'est toute ma vie. J'fais du mal à ma baby, j'fais du mal à ma mère. Faire souffrir les gens qui m'aiment, c'est ma maladie.